Chapitre 37e. Lorsque Madame Bastien et Frédéric, sortant de la salle à manger, passèrent devant la salle d'études, ils y virent David qui, debout à la porte, épia leur sortie. Marie lui tendit vivement la main et dit, en faisant allusion aux deux outrages que le précepteur venait de courageusement subir, « Tous les dévouements, vous les aurez donc pour nous. » Un assez grand bruit de chaises et quelques éclats de voix que l'on entendit du côté de la salle à manger firent croire à la jeune femme que son mari et l'huissier sortaient de table. Elle se dirigea rapidement vers son appartement avec Frédéric, après avoir dit à David d'un air navré, « À demain matin, monsieur David, je suis dans une inquiétude mortelle. » « À demain, mon ami, » dit à son tour tristement Frédéric à David en passant devant lui. Puis Marie et son fils entrèrent dans leur appartement pendant que David gagnait la mansarde qu'il devait partager avec André. À peine entré dans la chambre de sa mère, Frédéric se jeta dans ses bras en s'écriant, avec amertume, « Oh, ma mère, nous étions si heureux avant l'arrivée de… »« Pas un mot de plus, mon enfant. Il s'agit de ton père, » dit Marie en interrompant son fils. « Embrasse-moi plus tendrement encore que de coutume. Tu as besoin de cela, moi aussi, mais pas de récrimination contre ton père. »« Mon Dieu, mère, tu n'as pas entendu ce qu'a répondu M. Bridoux ?» Lorsque ton père lui a dit « Frédéric a bientôt 17 ans », oui, et cet homme a répondu à mon père, « Pour nous, c'est le bon âge. » J'avais, comme toi, remarqué ces paroles, mon enfant. « Pour nous, c'est le bon âge. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, mère ?»« Je ne sais, » répondit la jeune femme afin de rassurer et de calmer son fils. « Peut-être attachons-nous à ces paroles plus d'importance qu'elles n'en méritent. » Après un moment de silence, Frédéric dit à Marie d'une voix altérée, « Écoute, mère, ainsi que tu le désires, j'aurai toujours pour mon père le respect qu'il mérite et que je lui dois. Mais je te le dis franchement. Vois-tu, si mon père songeait jamais à me séparer de toi et de Monsieur David, Frédéric, » s'écria la jeune femme, alarmée de l'énergique résolution qu'elle disait sur les traits de son fils, « pourquoi supposer ce qui est impossible, nous séparer, te retirer des mains de Monsieur David, et cela au moment même où… Mais non, encore une fois, ton père a trop de raisons, trop de bon sens pour concevoir une pareille idée. » « Que le ciel t'entende, ma mère, car je te le jure, et tu sais si ma volonté est ferme, aucune puissance humaine ne me séparera de toi ni de M. David, et cela, je le dirai hardiment à mon père. Qu'il respecte notre tendresse, nos liens indissolubles, je le bénirai, mais s'il osait porter la main sur notre bonheur, mon fils… Eh, ma mère, notre bonheur, c'est ta vie, et ta vie, je la défendrai contre mon père lui-même, entends-tu? Mon Dieu, Frédéric, je t'en prie. » Oh, qu'ils prennent garde, qu'ils prennent garde. Deux ou trois fois ce soir, tout mon sang s'est soulevé. Tiens, Frédéric, ne parle pas ainsi, tu me rendrais folle. Pourquoi donc, mon Dieu, prévoir des choses si pénibles, ou plutôt impossibles? C'est vouloir s'épouvanter, se désespérer. Soit, ma mère, attendons. Mais crois-moi, le calme effrayant de mon père, lorsqu'il a pris la vente de l'argenterie, cache quelque chose. Nous nous attendions à le voir bondir de colère, il est resté impassible, mais il est devenu pâle, et je ne l'ai jamais vu pâlir, mère, » dit Frédéric, en se rapprochant de la jeune femme avec une expression de tendresse et d'alarme. « Mère, j'ai froid au cœur, un malheur nous menace. Frédéric, » reprit la jeune femme d'un ton de reproche navrant, « tu me fais un mal affreux. Et après tout, je ne peux pas m'effrayer ainsi. Ton père a sa volonté, soit… » Et moi aussi, mère, j'aurai la mienne. Mais pourquoi donc toujours supposer à ton père des intentions qu'il n'a pas sans doute, des intentions qu'il ne peut pas avoir? Crois-moi, mon cher enfant, malgré sa rudesse, il t'aime. Pourquoi voudrait-il te chagriner? Pourquoi nous séparer et ruiner ainsi les plus belles, les plus certaines espérances qu'une mère ait jamais eues pour l'avenir de son fils? Tiens, je suis sûr que notre ami, monsieur David, ne tiendrait pas un autre langage que le mien. Allons, calme-toi, rassure-toi. Nous aurons peut-être à traverser encore quelques jours d'épreuves, mais nous en avons déjà subi de si cruelles que celles-là ne seront rien pour nous. » Frédéric secoua mélancoliquement la tête, embrassa sa mère avec un redoublement de tendresse et rentra chez lui. Madame Bastien sonna Marguerite. La vieille servante parut bientôt. « Marguerite, lui dit la jeune femme, est-ce que Monsieur Bastien est encore à table ?»« Malheureusement, oui, madame. Malheureusement. » « Dame, c'est que je n'ai jamais vu monsieur avec une figure si méchante. Il boit que c'en est effrayant. Et malgré cela, il est tout pâle. Il vient de me demander une bouteille d'eau-de-vie et... » « Il suffit, Marguerite, » dit Marie en interrompant sa servante. « Vous avez fait dresser un lit dans la chambre d'André pour monsieur David ?»« Oui, madame. Monsieur David vient d'y monter. Mais le vieil André a dit qu'il coucherait plutôt dans l'écurie que d'oser rester dans sa chambre avec monsieur David. D'ailleurs, André n'aura guère le temps de dormir cette nuit. Pourquoi cela ?»« Monsieur m'a dit d'ordonner à André d'atteler le cheval pour 3 heures du matin. »« Comment ? Monsieur Bastien partirait au milieu de la nuit ?» Monsieur a dit que la lune se levait à 2h30 et qu'il voulait être à Blémur avec monsieur Bridoux à la pointe du jour pour pouvoir être de retour ici demain soir. C'est différent. Allons, bonsoir, Marguerite. Madame, que voulez-vous? Mon Dieu, madame, je ne sais pas si j'oserais. Voyons, Marguerite, qu'y a-t-il? Madame m'a interrompu tout à l'heure lorsque je parlais de monsieur et pourtant j'avais à dire quelque chose. Et la servante s'arrêta, regardant sa maîtresse d'un air si inquiet et si triste, que la jeune femme reprit. « Mon Dieu, qu'avez-vous, Marguerite? Vous m'effrayez. » « Eh bien, madame, lorsque je suis entrée dans la salle à manger pour donner à monsieur la bouteille d'eau-de-vie qu'il demandait, monsieur Bridoux lui disait, en le regardant d'un air à la fois surpris et alarmé, « Jacques, tu ne ferais pas cela. » Monsieur, me voyant entrer, n'a rien répondu et a fait signe à monsieur Bridoux de se taire. Mais lorsque je suis sortie, j'ai... Madame m'excusera peut-être à cause de l'intention. Achevez, Marguerite. Je suis sorti de la salle à manger, mais je suis resté un petit moment à écouter derrière la porte, et j'ai entendu monsieur Bridoux dire à monsieur... Encore une fois, Jacques, tu ne feras pas cela. Alors monsieur a répondu, tu le verras. Je n'ai pas osé écouter davantage. Et... Vous avez eu raison, Marguerite. C'était déjà trop d'une indiscrétion que votre attachement pour moi seul peut excuser. Comment ? Cela n'effraie pas, madame, que monsieur ait dit. Rien ne prouve, ma chère Marguerite, que les paroles de monsieur Bastien se rapportent à moi. Vous êtes, je crois, alarmée à tort. Dieu le veuille, madame. Allez voir, je vous prie, si monsieur Bastien et monsieur Bridoux sont encore à table. S'ils l'ont quitté, vous pourrez vous coucher, je n'ai plus besoin de vous. Marguerite revint quelques moments après et dit à sa maîtresse. Je viens de donner de la lumière à monsieur et à monsieur Bridoux, madame. Ils se sont souhaité une bonne nuit, mais... « Tenez, madame, » dit Marguerite en s'interrompant, « entendez-vous? Voilà monsieur Bridoux qui monte en haut. » En effet, les pas du compère de Bastien se firent entendre dans le petit escalier de bois qui conduisait à la chambre naguère occupée par David. « Monsieur Bastien est-il rentré chez lui ?» demanda Marie à sa servante. « Je puis voir du dehors s'il y a de la lumière chez monsieur, » répondit Marguerite. La servante sortit de nouveau, revint quelques instants après, et dit à sa maîtresse en frissonnant de froid. « Monsieur est rentré chez lui, madame. On voit la lumière à travers les persiennes. Mon Dieu, quel froid noir! Il neige à gros flocons. Et moi qui oubliais de vous faire du feu ici, madame. Vous vous l'éveillez, peut-être ?»« Non, Marguerite, merci. Je vais me coucher tout de suite. » Marie ajouta après un moment de réflexion. « Les volets de ma chambre sont fermés, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. Ceux de la chambre de mon fils le sont aussi. » « Oui, madame. Bonsoir, Marguerite. Vous entrerez chez moi demain matin ou au point du jour. Madame n'a besoin de rien. Non, merci. Bonsoir, madame. » Marguerite sortit. Marie verrouilla sa porte, alla s'assurer que les volets de sa chambre étaient fermés et se déshabilla lentement, en proie à une poignante anxiété, songeant aux divers événements de la soirée, aux mots mystérieux dits par l'huissier Bridoux au sujet de Frédéric, et surtout à ces paroles échangées entre Jacques et son ami, paroles surprises par Marguerite. « Jacques, tu ne feras pas cela. Tu verras. » La jeune femme, enveloppée de son peignoir de nuit, se préparait comme d'habitude à aller embrasser son fils avant de se mettre au lit, lorsqu'elle entendit marcher pesamment dans le corridor sur lequel s'ouvrait son appartement. Nul doute, c'était le pas de Jacques Bastien. Marie prêta l'oreille. Les pas s'arrêtèrent. Bientôt succéda au retentissement de cette marche pesante le bruit du tâtonnement de deux mains qui, en dehors et le long de la porte, cherchaient dans l'obscurité la serrure et la clé. Jacques Bastien voulait entrer chez sa femme. Celle-ci, se sachant enfermée, se rassura d'abord. Mais bientôt, réfléchissant que si elle n'ouvrait pas à son mari, il pouvait, dans sa brutale violence, frapper bruyamment à sa porte, la briser peut-être, et par cet esclandre éveiller son fils, attirer David, et occasionner une collision dont les suites possibles faisaient frémir la malheureuse mère. Elle allait se décider à ouvrir son mari lorsqu'elle songea que son fils était là, dans la chambre voisine, que peu de moments auparavant elle avait dû employer toute l'autorité de sa tendresse maternelle pour l'empêcher de se livrer à d'amères récriminations contre Jacques Bastien. Elle se rappela enfin ces mots de Frédéric, dont elle connaissait l'énergie et la résolution. « Attenter à notre bonheur, ce serait attenter à ta vie, ma mère, et ta vie, je la défendrais même contre mon père. » Marie sentait qu'aucune puissance humaine, pas même la sienne, ne pourrait cette fois empêcher Frédéric d'intervenir dans le cas où Jacques Bastien, furieux, ivre peut-être, viendrait jusque chez elle, l'accabler d'injures et de menaces. L'alternative était terrible. Ne pas ouvrir, c'était s'exposer à un scandale déplorable. Ouvrir, c'était mettre face à face le père et le fils. Le premier, ivre de colère et de vin, le second exaspéré par sa folle tendresse pour sa mère. Ces réflexions, rapides comme la pensée, Marie les terminait à peine, qu'elle entendit Jacques Bastien, qui avait enfin mis la main sur la clé, la faire tourner dans la serrure, mais trouvant un obstacle intérieur, il secoua vivement la porte. Marie prit un parti désespéré. Elle courut à la porte, ôta le verrou, et se tenant sur le seuil de sa chambre, comme pour en défendre l'entrée à Jacques Bastien, elle dit d'une voix basse et suppliante « Mon fils dort, monsieur. Si vous avez à me parler, venez, je vous en conjure, dans la salle d'étude et… » La malheureuse femme s'interrompit un moment. Son courage faiblit, tant l'expression de la physionomie de Jacques lui parut redoutable. La clarté de la lampe, placée sur la cheminée de la chambre à coucher de Marie, donnait alors en plein sur la figure de M. Bastien, et, ainsi vivement et durement éclairée, elle se détachait lumineuse sur les ténèbres du corridor. Cet homme, à carrure d'Hercule, était d'une effrayante pâleur, causée par la réaction d'une colère longtemps contenue et par les fumées de l'ivresse, car il était ivre à demi. Son épaisse et rude chevelure retombait sur son front bas et cachait presque ses petits yeux gris et méchants. Son cou de taureau était nu et sa blouse entrouverte, ainsi que sa redingote et son gilet, laissaient voir en partie sa poitrine puissante et velue. À l'aspect de cet homme, Marie, nous l'avons dit, sentit un instant son courage faiblir. Mais réfléchissant bientôt que l'état de surexcitation dans lequel se trouvait M. Bastien devant le rendre plus emporté, plus intraitable encore que de coutume, il ne reculerait devant aucune violence, devant aucun éclat, et qu'alors l'intervention de David ou de Frédéric deviendrait malheureusement inévitable. La jeune femme, vaillante comme toujours, bénit le ciel de ce que son fils n'eut encore rien entendu, saisit la lampe placée sur sa cheminée, revint auprès de son mari, toujours immobile au seuil de la porte, et lui dit à voix basse « Allons dans le salon d'études, monsieur. Je craindrais, je vous l'ai dit, d'éveiller mon fils. » M. Bastien parut se consulter avant de se rendre au désir de Marie. Après quelques instants de réflexion, pendant lesquels la jeune femme se mourait d'angoisse, l'Hercule répondit « Au fait, j'aime mieux cela. Allons, marchez devant. » Marie, précédant Jacques Bastien dans le corridor, entra bientôt dans la salle d'études.